A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar. Como esperaste paciente nas horas difíceis. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar. Como esperaste paciente nas horas difíceis. Mas em mim a vida matou essa mística esperança. Eu não espero, sou aquele por quem se espera. A esperança. Somos nós os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida. Nós as crianças nuas das senzalas do mato, os garotos sem escola a jogar bola de trapos nos areais ao meio-dia. Nós mesmos, os contratados a queimar vida nos cafezais, os homens negros ignorantes que devem respeitar o branco e temer o rico. Somos os teus filhos dos bairros de pobre, com fome, com sede, com vergonha de te chamarmos mãe, com medo de atravessar a rua, com medo dos homens. Somos nós a esperança em busca da vida. Boa noite. Abrimos esta Hora das Cigarras com Rui Mingas cantando um poema de Agostinho Neto. Também os irmãos Cafala, que escutaremos a seguir, musicaram versos do autor de Sagrada Esperança. Neste programa, recordaremos ainda outros poemas de Agostinho Neto. A música, cantos de luta, de ontem e de sempre, vai ser de Bonga, José Carlos Schwarz, Bidinte, Miriam Makeba, Manu Dibango, Lady Smith Black Mambazo e Geoffrey Oryema, Johnny Clegg e os Savuka, Pierre Akendengue, Francis Bebei, Isau. Fui eu quem renunciou à vida, podes continuar a ocupar o meu lugar. Vasos que me roubaste. Fui eu quem renunciou à vida, podes continuar a ocupar o meu lugar. Vasos que me roubaste. Aí tendes o mundo todo para vós, para mim nada quero, para mim nada quero, nem riquezas, nem pobreza, alegrias nem tristezas, nem vida nem morte, nada, nada. Não sou, nunca fui, renuncio-me a atingir o zero. Não sou, nunca fui, renuncio-me a atingir o zero. E agora, vivei, cantei e chorei. E agora, casai-vos, matai-vos, embriagai-vos. E agora, dai esmolas aos pobres. Nada me pode interessar, que eu não sou, não sou. Atingi o zero, nada me pode interessar, que eu não sou. Palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos dos blues. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor do South, ó negro da África, negros de todo o mundo, eu junto ao vosso canto a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo o mundo. Eu vivo a vossa dor, meus irmãos. Mingeres de pano preto, cavo chora pena. Mingeres de pano preto, cavo chora pena. Se encontra popudi, ora que som de nos fide, boba da raça, pae piscino no casa. Paoia liqui no chão, nota bailante, porta de mundo e rabo de pumba. Ma bona limpa bo corso, co sangue que na cai na chão. Ma bona limpa bo corso, co sangue que na cai na chão. Sino no casa. ya liki no chon no ta vaina te porta de mundo que rabo de cumba ma bona limpa bo corson o sangue que na cai na chon ma bona limpa bo corson o sangue que na cai na chon. Eu vivo nos bairros escuros do mundo, sem luz nem vida. Vou pelas ruas às apalpadelas, encostado aos meus informes sonhos, tropeçando na escravidão ao meu desejo de ser. São bairros de escravos, mundos de miséria, bairros escuros. Onde as vontades se diluíram e os homens se confundiram com as coisas. Ando aos trambolhões pelas ruas sem luz, desconhecidas, pejadas de mística e terror, de braço dado com fantasmas. Também a noite é escura. Armanguri, Armanguri, bata jubim caminho, sena bimbo contan. Secana bimbo contan Armon fianso ningin canabin fianso ningin canabin fianso ningin canabin fianso ningin canabin fianso ningin canabin fianso. Sibu waja nona kuda sinta usubuta Sibu waja nona kuda sinta usubuta Serifu falakuma kubisturu na moni moni Sigarandi di kasa tachami vijusturu na nornori Serifu falakuma kubisturu na moni moni Sigarandi di kasa tachami vijusturu na nornori Yaya o yaya o mama Flema de corção, flema de corção, lindo tu de capo de cural. Son cigarafa de vinho, son cigarafa de vinho. Guineo, guineo, guineo, mamá. Thank you. voya no na kuda o sin tau subuta sibu voya no na kuda sin tau subuta sibu voya no na kuda o sin tau subuta eri fu fala kuma o bisturu na moni moni sigarandi di casa ta chami di bisturu na nor nor eri fu fala kuma o bisturu na moni moni sigarandi di casa ta chami di bisturu na nor nor ya o Sons de grilhetas nas estradas, cantos de pássaros sob a verdura úmida das florestas, frescura na sinfonia adocicada dos coqueirais, fogo, fogo no capim, fogo sobre o quente das chapas do caiate. caminhos largos cheios de gente. Cheios de gente em êxodo, de toda a parte. Caminhos largos para os horizontes fechados. Mas caminhos, caminhos abertos por cima da impossibilidade dos braços. Fogueiras, dança, tantã, ritmo. Ritmo na luz, ritmo na cor, ritmo no movimento, ritmo nas gretas sangrentas dos pés descalços, ritmo nas unhas descarnadas, mas ritmo, ritmo. Ó vozes dolorosas da África, Ainda o meu canto dolente e a minha tristeza no Congo, na Geórgia, no Amazonas. Ainda o meu sonho de batuque em noites de luar. Ainda os meus braços, ainda os meus olhos, ainda os meus gritos. Ainda o dorso vergastado, o coração abandonado, a alma entregue à fé. Ainda a dúvida. E sobre os meus cantos, os meus sonhos, os meus olhos, os meus gritos, sobre o meu mundo isolado, o tempo parado. Assim bonanga, assim bonango mantela china, la pe cona, la pe felicona. Assim bonanga, assim bonango mandela china la percona la percelicona. Ainda o meu espírito, ainda o quissange, a marimba, a viola, o saxofone, ainda os meus ritmos de ritual orgíaco, ainda a minha vida oferecida à vida, ainda o meu desejo, ainda o meu sonho, o meu grito, o meu braço a sustentar o meu querer. E nas senzalas, nas casas, nos subúrbios das cidades, para lá das linhas, nos recantos escuros das casas ricas onde os negros murmuram ainda o meu desejo transformado em força, inspirando as consciências desesperadas. Salut à vous, héros de la première heure. Salut à vous, héros de la première heure, combattants de la liberté. Salut à toi, Solomon Malangu. Salut à toi. Salut à toi, Jerry, c'est mon homme, Moussaloli. Salut à toi. Salut à toi, Marcus Taboumotong. Salut à toi. Pretoria, juin 1976. Pretoria, juin 1983. Histoire sanglante, écrite avec la chair du peuple déchiré. Déchiré par les années d'oppression, par les années d'humiliation, par les années de lutte. Lutte pour défendre notre terre. Terre nourrissante, terre sanglotante, terre berceuse. Les jours sans nuit, les nuits convulsives, ruisselantes de sang, le sang de tes fils tombés sur les champs de bataille, têtes chercheuses de liberté et de dignité. Charpeville, juin 1960. Soweto, juin 1976. L'aube crache la fumée. Un gamin debout sur le portail. Maman, j'ai faim. Maman, pourquoi tu pleures? Maman, où est parti Jerry? Maman, où est parti Marcus? Silence. Silence. Encore silence. Maman, maman, des blancs, les fusils, les fusils, les blancs avec les fusils. Regarde mon fusil, maman. Silence, silence, encore silence. Salut à toi, combattant de demain. Salut à toi. Salut à toi, mère en larmes. Salut à toi. Salut à vous. Combattant de la liberté. Il n'y a plus de champ de bataille. Le champ de bataille est partout. Car le front est là. Où est l'ennemi? Horizonte, o fogo e as silhuetas escuras dos embondeiros de braços erguidos. No ar, o cheiro verde das palmeiras queimadas. Poesia africana. Na estrada, a fila de carregadores bailundos gemendo sob o peso da crueira. No quarto, a mulatinha dos olhos meigos retocando o rosto com ruge e pó de arroz. A mulher debaixo dos panos fartos remexe as ancas. Na cama, o homem insone pensando em comprar garfos e facas para comer à mesa. No céu, o reflexo do fogo e as silhuetas dos negros batucando de braços erguidos. No ar, a melodia quente das marimbas. Poesia africana. Stabat mater dolorosa, stabat mater dolorosa, nyanguamuna Maria temnando tu, babo momuna na yo awonando tu. Stabat mater dolorosa, stabat mater dolorosa. Your sorrow speaks to mankind, telling of great love. En moi, ta douleur résonne comme un cri d'amour. Et ce cri me dit d'aimer toujours, même les gens qui sont différents de moi. I will tread in your steps until I reach the goal, and I know the goal is love. It says I must never fail to love even people who are not just like me. I will pursue my search until I reach the goal, and I know the goal is love. Je ne t'oublierai jamais. Stabat mater dolorosa, stabat mater dolorosa, nyangwa muna Maria atenando tu, babo momuna na jo awonando tu. Stabat mater dolorosa, stabat mater dolorosa. The world needs you now, Mary, please give us your love. Le monde a besoin de toi et de ton amour. All my life I will avoid to speak ill of people who are not just like me. I will tread in your steps until I reach the goal, and I know the goal is love. Je ne dirai plus de mal de tous ces gens que j'ai cru différents de moi. I will pursue my search until I reach the goal, and I know the goal is love. I always remember. Fizemos esta Hora das Cigarras com poemas de Agostinho Neto e as vozes de Rui Mingas, Irmãos Cafala, Bonga, José Carlos Schwarz, Bidinte, Miriam Makeba, Manu Dibango, Lady Smith Black Mambazo e Geoffrey Oriema, Johnny Clegg e os Savuca, Pierre Candingue e Francis Bebey. Canções de Combate, a banda sonora da história da África nos últimos 30 anos. Boa noite, África. Munuku fa majono, kuiza chababubu. Munuku fa majono, kuiza chababubu. É para o bacana, não é? Para o pensamento, chocho. Tala joba, bacana. Yan kaku dia, pilepe na kwanga. Van chusu kala minga na pala, yan kaku dia, pilepe na kwanga. Piatu veja, tapela, jota la me. Hein? Mankurumandia. Wangas e militaire,

ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les perchinges, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. H20, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient à la bombe, tout le monde est bombé, oh. Quand vient à la bombe, tout le monde est bombé, oh. Ton pays bombé, l'URSS est bombé, les États-Unis bombé, la France est bombé, l'Italie bombé, l'Allemagne est bombé, le Congo bombé, le Zaïre bombé, l'ONU bombé, l'UNESCO bombé, l'OIE bombé, mes bœufs bombé, mes moutons bombé, mon cuisinier bombé, tous les cuisiniers bombé, ma femme est bombé, les taximans est bombé, les hôpitaux bombé, les malades bombé, les bébés bombé, les poulaillers bombé, mes coques bombé, mon chien bombé, les écoles bombé, ma poitrine bombé, tout le monde est bombardé. Si tu voyais français, bonjour. À ce tu voyais anglais, good morning. À ce tu voyais russe, Strasbourg. À ce tu voyais allemand, guten Tag. À ce tu voyais espagnol, buenos dias. À ce tu voyais italien, bonjour. À ce tu voyais chinois, hi ho. À ce tu voyais belogar, Dobre Dieu. À ce tu voyais israélien, Shalom. À ce tu voyais égyptien, Sabakra Her. À ce tu voyais sénégalais, Nanganef. À ce tu voyais malien, Anisokoma. À ce tu voyais nigérien, Karo. À ce tu voyais mauritanien, Araduna. À ce tu voyais togolais, Afwa. À ce tu voyais Swahili, Jambo. À ce tu voyais Tchadien, Lalé. À ce tu voyais Malagas, Manahona. À ce tu voyais Centrafricain, Mibaramo. À ce tu voyais Camerounais, Panamboye. À ce tu voyais Gabonais, Mbolo. À ce tu voyais Congolais, Mbote. À ce tu voyais Zaïrois, Tenayo, Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, Bunda Soukeri, Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, Bunda Soukeri, Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, Bunda Soukeri, Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, Bunda Soukeri. A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras.